J'ai l'impression que la dernière vidéo que j'ai faite n'a pas été comprise. Possiblement qu'elle a été comprise, mais les gens qui le comprennent ne se manifesteront pas. De ça, je suis à peu près certain, à moins que, bon, ça peut arriver aussi. Mais le but, c'est que pour sortir du mental psychologique, il faut arriver à de la pensée qui n'est pas de la pensée, c'est-à-dire une pensée non linéaire, une pensée non linéaire qui aboutit à une vue systémique. Ce qui est vu n'a pas à être pensé. Donc, si on reprend les principes dont je parlais, puis qu'on prend d'autres principes, si vous voulez, comme l'espace, le temps et l'infini, qui ce ne sont pas des principes au fond, ce sont des particularités, si on peut dire, là, de la nature des choses. Donc, l'espace, le temps et l'infini, ce sont des particularités dimensionnelles. Et puis, si on applique le même système, donc, l'espace et le temps sont infinis. L'espace infini engendre le temps, donc la densification. Le temps spatial aboutit à de l'infinité, donc de l'expansion. Le temps infini engendre de la spatialité. L'infini spatial engendre de la temporalité. Et l'infini temporel engendre de la spatialité. Donc ça aboutit à 6 encore parce qu'il y a 3, donc ça aboutit à 6 séquences comme ça. Donc c'est simplement d'aboutir à une pensée qui n'est pas linéaire au sens psychologique du terme. C'est pour ça, là, c'était ça la dernière vidéo. Mais je vois que c'est mal. C'est difficile à assimiler. Pourquoi? Parce que l'être humain est psychologique, parce qu'il pense avec son intellect au lieu de voir le structurel, d'intégrer du systémique. Et si l'être humain doit un jour aboutir à de la technologie moléculaire, d'être capable au niveau là, de se rendre compte que la pensée et la matière sont une seule et même chose, mais qu'il y a une différence de degré de fréquence. Si l'être humain un jour doit aboutir à une technologie moléculaire fréquentielle, à être capable de matérialiser et dématérialiser des choses, à maîtriser l'éther et voyager d'un plan à l'autre, voyager entre guillemets, c'est-à-dire se servir de sa multidimensionnalité au niveau de sa perception, d'être capable de surfer pour vrai, là. Pas sur Internet, de devenir cosmique. Parce que si l'être humain de notre époque rencontrait des êtres qui maîtrisent ces choses, parce qu'ils sont sortis du mental intellectuel, du mental psychologique, et peut-être même qu'ils ne l'ont jamais connu, l'être humain sera dominé immédiatement. Pas nécessairement parce que ces êtres-là sont dominateurs, mais parce que l'autorité réelle est quelque chose de vibratoire. Et puis, une hiérarchie réelle, c'est lié au fait qu'il y a de l'intelligence qui vibre sur différents plans à différentes fréquences. L'être humain deviendrait dominé immédiatement, tout simplement, parce que ça, lui, en tant que manifestation, ce qu'on pourrait appeler sa pensée, serait inférieur. Parce que l'être humain est encore un animal. Il pense au lieu de voir, il intellectualise au lieu d'intégrer. Et c'est pour ça que j'ai pensé, entre guillemets, que de parler de ce genre de choses-là, de construction thématique, pourrait aider certains à sortir d'une pensée linéaire pour aboutir à quelque chose de plus réel. Parce que je vois il va falloir un jour arriver à de la technologie mentale. C'est-à-dire que là, la matière sera maîtrisée réellement. Parce que c'est la seule façon. L'évolution, ça va commencer dans la perception qui s'élargit, pas dans l'accumulation de connaissances, mais dans une entrée, dans un savoir qui est réel. Et pour ça, il faut sortir du psychologique et de la pensée linéaire. Vous prenez là, l'informatique fonctionne avec du binaire qui a été, si on peut dire, récupéré de Leibniz. Leibniz lui-même l'avait volé aux Chinois. Le Yi Qing est un code binaire. Eh bien, il y a là des clés qui semblent avoir été données à l'être humain comme un germe pour son futur. Et il faudra sortir du linéaire psychologique réflectif. Donc, c'était ça le but. Et que ce soit compris ou pas, pour l'instant, n'est pas très important. C'est pas important à mes yeux. Mais ça a certainement une importance en soi, là.